J'ai attendu patiemment l'Éternel, et il s'est penché vers moi. Il a entendu mon cri, il m'a tiré de la fosse de destruction, de la boue sans voix. Il a mis mes pieds sur un roc, a fermi mes pas chancelants. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu vivant. Beaucoup le verront et craindront, ils se confieront en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en lui sa confiance et ne se tourne pas vers le mensonge cruel. Tu as fait pour nous tant de merveilles, tes pensées pour nous sont innombrables. Il n'est personne qui soit comparable à toi. Tes desseins sont insondables. Alors j'ai dit, me voici, je viens, avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, ô mon Dieu. Ta loi est au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, je ne ferme pas mes lèvres, tu le sais. Je ne cache pas ta fidélité, ta vérité. J'ose proclamer ton salut et ta paix. Ne me retiens pas ta miséricorde, Seigneur. Que ta grâce et ta vérité me gardent sans cesse. Mes iniquités m'environnent en grand nombre, mais tu es mon secours dans la détresse. Que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et t'exaltent sans fin, qu'ils disent toujours exalté soit l'Éternel. Et moi pauvre et malheureux, tu prends soin de mon chemin. Exalté soit l'Éternel, et moi pauvre et malheureux, tu prends soin.